Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous présente le questionnaire de Chanel. Aujourd'hui, nous recevons Sandrine Kiberlin, actrice. Bonjour Sandrine, êtes-vous anti-âge ? Du tout. J'aime tous les âges. J'aime beaucoup le mot âge. Et j'espère avoir longtemps des âges. Quelle est la meilleure façon de vous dérider ? Ça ne déride pas, mais de me faire rire. Quelles sont les rides qui parlent de vous ? Toutes celles que l'on voit. Si vous étiez une ride ? Ridicule. Si on lisait dans vos rides comme dans un livre ouvert, quel livre seriez-vous ? Un livre d'amour. Ride, tout doit disparaître ? Non. Ride, tout doit apparaître. Dans la peau de qui aimeriez-vous être ? De personne d'autre que de moi. Merci Sandrine. Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous a présenté le questionnaire de Chanel. Aujourd'hui, 1er septembre 2021, il y a 75 ans jour pour jour, Jean Giono couchait sur le papier les premiers mots d'un roi sans divertissement, qu'il écrira en à peine plus d'un mois, au début de l'automne 1946 donc. C'est pourtant en hiver que se passe le roman, un hiver rude, blanc, silencieux, dont l'ennui vient être troublé par de mystérieuses taches de sang. Nous sommes donc en plein cœur de l'hiver quand le roman commence, un hiver qui vous rappellera sans doute le vôtre, souvenez-vous. Entrons dans le vif du sujet. Nous sommes le 17 décembre. Il y a donc 5 jours. Une jeune fille plutôt, a disparu du village. Partie ? Disparue. Ça n'est pas la même chose. Escamotée. Elle est là. Elle n'y est plus. On s'en est aperçu quand ? Tout de suite. 3 heures de l'après-midi. La neige tombe lourdement, sans vent. Cette fille sort de la maison pour aller chercher du bois dans le hangar à 10 mètres. Elle a juste un fichu sur la tête. Sa mère est obligée de la rappeler pour lui faire mettre ses sabots. Elle partait en chaussons. Elle tourne l'angle du mur. Terminé. Des traces ? Aucune, la neige tombe. On cherche ? Partout. C'était qui, la fille ? Personne. Mais de la chair vive. N'importe quelle chair vive aurait fait l'affaire. Je vous dis mon point de vue. Ni belle, ni... Ni belle, ni particulièrement rien, non. Ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Ici, on n'a pas besoin de tuer pour faire l'amour, surtout l'hiver. Vous venez pourtant de dire que n'importe quelle chair vive... Je vais répondre à une question que vous ne poserez pas. Actuellement, nous avons tous ici dans la montagne 3 mois de blancheur pure dans les yeux. Bonjour Sylvie Vigne. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir au micro des Chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de littérature à l'université Toulouse Jean Jaurès et vous avez consacré une thèse à Jean Giono intitulée « Giono et le travail des sensations, un barrage contre le vide » qui s'applique directement d'ailleurs au roman qui va nous occuper ce matin, « Un roi sans divertissement ». Tant en effet, le travail des sensations est crucial dans ce texte qu'on peut lire, vous l'avez entendu aussi, comme un roman policier, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, on ignore parfois que Giono était tout à fait fan de polar et Gallimard lui envoyait tous les romans de la série noire dont il se régalait. Ensuite, c'est plutôt son ami Pierre Magnan qui a pris la suite et qui, avec un style très gionien, écrit vraiment des romans policiers. Mais dans Un roi sans divertissement, on a effectivement un début qui fait polar, même si c'est pas le cœur du sujet, avec donc cette disparition mystérieuse de Marie Chazotte, dont il est question dans ce dialogue. Donc vous avez reconnu les voix de Charles Vanel et de Claude Giraud, donc qui mettent en scène déjà cette disparition. Parce que l'extrait de film que nous avons entendu est une adaptation du roman qui a été coécrite par Jean Giono et François Le Terrier. C'est ça. Donc l'adaptation date de 63, c'est ça, et Giono a vraiment signé le scénario et les dialogues. On entend sa voix à un moment d'ailleurs. Tout à fait, quand on entend sa voix, c'est celle de l'assassin, donc ça fait écho de manière intéressante. De même que dans Noé, donc le roman la chronique romanesque qu'il a écrite juste après Un roi sans divertissement. Il explique que quand il écrit, il a les personnages visibles devant lui, dans une autre dimension, qui se surimprime à la réalité, et qu'à un moment, il a coïncidé avec Monsieur V, donc avec l'assassin. Il a donc assumé cette identité problématique et criminelle. Vous dites que le roman policier n'est pas vraiment le sujet de ce roman. Quel est le sujet du roman pour vous ? Le sujet, c'est l'ennui et donc le divertissement, comme le titre l'indique. Hein, Un roi sans divertissement, donc emprunté à Pascal, aux pensées de Pascal, donc avec la phrase complète qui apparaît simplement dans la dernière phrase du roman. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Et là, donc, le sujet, c'est exactement ça. C'est le vide, donc existentiel, qui est représenté par l'hiver, en l'occurrence. Donc, Giono était originaire de Manosque. Il est né à Manosque, il est mort à Manosque, il a presque tout le temps vécu à Manosque. Quelques voyages, mais il disait lui-même qu'il était plutôt un voyageur immobile. Mais bon, Manosque n'est pas connu pour ses hivers polaires. Non. Et c'est en 31 qu'il a découvert le Trièves, donc une région d'Isère qui est entre la Provence et les Alpes. Et là, il a découvert des vrais hivers qui peuvent effectivement, comme disait le dialogue tout à l'heure, durer 3 mois avec des neiges de 3 mètres et donc un paysage complètement reconfiguré par la blancheur et le silence aussi qui peut l'accompagner. Et donc c'est voilà ce qu'il en dit d'ailleurs à un de ses amis quand il découvre Trémini. C'est le bout du monde sous le Ferrant, montagne, chamois, mélèze, nuages, pluie et casse-gueule. Mais il en redemande et il va donc très souvent revenir donc dans cette région et en particulier dans le village de Lallais qui n'est pas nommé dans Un roi sans divertissement mais qui est, on l'a compris effectivement, le village où les meurtres se produisent. Mais ce n'est pas le village de l'assassin qui lui vient de Chichiliane, presque un autre monde dans les conditions où on doit cheminer dans les hivers du Trièves au XIXe siècle. Alors on peut s'étonner du fait que Giono, qu'on associe tant à cet écrivain provençal, en réalité aime la pluie, aime l'hiver. Eh bien lui-même s'en explique, vous l'avez entendu dans cet archive du 1er janvier 1950, le rapport entre la solitude nécessaire à l'écrivain et le mauvais temps. Écrire exige une certaine solitude et une certaine solidité du travail dans lequel on se trouve. J'ai trouvé à Manosque la solitude, la paix, la tranquillité, mais je crois que si j'avais été libre de m'installer où je le désirais, j'aurais choisi un pays dans lequel il pleuvrait beaucoup, dans lequel il y aurait des forêts avec des humus, des étangs avec des grenouilles, des espèces de choses humides. J'aime beaucoup l'humidité, j'aime la pluie, j'aime les ciels couverts, j'adore les ciels d'Île-de-France par exemple, et j'ai trouvé un jour le lieu béni où j'aurais voulu habiter, c'est l'Écosse. Dans cette Écosse solitaire, j'aurais, je crois, été tout à fait à mon aise, et beaucoup plus à mon aise qu'en Provence. Remarquez que cette vie en Provence avec le soleil que je n'aime pas me permet précisément d'inventer plus, avec beaucoup plus de liberté, des quantités de paysages et de personnages et de me plier avec beaucoup plus d'appétit et beaucoup plus de bonheur à la discipline du romancier. La discipline du romancier s'accommode de ce que je n'habite pas, un pays entièrement à ma convenance. C'était la voix de Jean Giono sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. On parle des 4 saisons cette semaine, après l'été chez Camus lundi, Verlaine et l'automne hier, aujourd'hui l'hiver chez Giono. Et ce qu'on découvre en entendant cet archive, c'est qu'il y a un lien direct entre les saisons justement et l'écriture. Sylvie Vigne chez Giono, c'est frappant. Tout à fait. Ensuite, il faut bien avoir à l'esprit que Giono est un menteur. Ah. il assume complètement d'ailleurs le mot menteur, hein, qu'il aime beaucoup. Le premier roman qu'il a écrit, qui n'a pas été le premier à être publié, qui avait ensuite été gardé et qui a ressurgi dans la publication, Naissance de l'Odyssée, raconte l'histoire d'un menteur professionnel qui est Ulysse, en fait. Ulysse n'aurait pas eu toutes ses aventures, il aurait tout inventé. Donc ça serait un artiste. Et Giono se compare très souvent à ce personnage de menteur. Donc la fabulation, il adore. Il a d'ailleurs très souvent mystifié ses amis en leur dessinant les cartes, par exemple, liées à ses romans. Et les amis erraient dans la campagne sans jamais trouver ce qu'il avait dessiné. Donc ça fait partie de son plaisir. Donc je pense qu'il exagère pas mal quand il dit que l'Écosse aurait été son pays de prédilection. C'est sa fille qui lui avait fait découvrir ce pays. Il dit aussi à un moment qu'il aime quand même la Provence, mais comme Swann aime Odette, c'est-à-dire qu'il aime quelqu'un, un pays qui n'est pas son genre. Voilà. Donc, il a ce rapport particulier avec la Provence et on s'étonne pas de voir qu'il y a eu une grosse brouille avec Pagnol, parce que la façon dont il peint la Provence n'a absolument rien à voir avec celle de Pagnol. Pourquoi ils sont brouillés ? Après l'adaptation de La femme du boulanger, donc il y avait l'idée d'une voilà d'une coopération et c'est tiré en fait d'un extrait de Jean le Bleu, donc le roman le plus autobiographique de Giono des années 30. Et donc en fait au bout d'un moment ça n'a plus du tout fonctionné parce que l'image de la Provence déjà était complètement différente chez les deux hommes. Chez Giono c'est une Provence grecque. Tragique. Et effectivement, il va insister sur les mystères, sur les ténèbres, sur les crimes. Donc, c'est vraiment ce qui l'intéresse et pas du tout les parties de pétanque et la nisette. Mais de là à se fâcher. De là à se fâcher. Bon. Alors, si Giono est un menteur et revendique le mensonge, je ne sais pas quel crédit il faut accorder à ses archives. En tout cas, même si c'est un mensonge, même s'il n'aime pas l'Écosse et il adore la Provence, il y a un lien direct entre le temps qu'il observe les saisons et ce qu'il écrit dans Un roi sans divertissement. C'est flagrant. Dans d'autres textes aussi, on va y venir. On va entendre dans un instant le début justement d'Un roi sans divertissement. Il y a quand même cette importance accordée à la neige et à l'hiver, car pour Giono, l'hiver, c'est l'anesthésie totale, l'absence de sensation, c'est ça ? C'est ça, tout en étant très sensible à la beauté spécifique de l'hiver. Hein, il y a des descriptions magnifiques de l'hiver chez Giono, mais il insiste effectivement sur cette vacuité. Et cette vacuité qui va donc augmenter ce qu'il appelle vraiment la malédiction de la condition humaine, c'est-à-dire l'ennui. Et donc le tout premier texte qu'il a consacré à l'hiver, qui s'appelle d'ailleurs « Hiver », je vous lis juste le démarrage, vous allez voir qu'on est en plein dans le sujet. « Il y avait un beau silence, puis la glace craquait. Depuis longtemps, la forêt était arrêtée, là-haut dans la montagne. » Elle s'était piétée tout le long des immenses pâturages nus, les jambes noires enfoncées dans la neige, le front dur contre le ciel, ses rameaux épaissis de gel s'élargissaient comme des cornes de cerf. Elle attendait. Elle ne savait plus ni bouger, ni souffler, ni se retrousser pour que le vent la gratte, ni rien. La sève s'était retirée des petites branchillonnes trop maigres, trop enfoncées dans le froid. Elle était descendue se cacher au profond du tronc. Elle restait là, enveloppée d'aubier, à se souvenir de tous les bondissements de l'été. Donc là, il me semble qu'on a déjà une approche de l'hiver telle que Giono la considère cette saison, donc avec la sève gelée, l'absence de mouvement, l'absence donc de tout ce qui fait le bonheur des sensations essentielles, à mon avis, à cet auteur. Bien, après ce prélude, nous voilà donc prête à écouter le début donc d'Un roi sans divertissement. On plonge dans l'hiver. Écoutez comment il le décrit, un peu comme dans le texte que vous venez de lire, Sylvie Vigne. C'est surtout et d'abord par la négative que l'hiver surgit sous sa plume. 43, 1800 évidemment. Décembre. L'hiver avait commencé tôt et depuis, dardard, sans démarrer. Chaque jour, la bise. Les nuages s'entassent dans le fer à cheval entre l'Archa, le Jocon, la Plénie, le Mont des Pâtres et l'Avers. Aux nuages d'octobre, déjà noirs, se sont ajoutés les nuages de novembre, encore plus noirs, puis ceux de décembre par-dessus, très noirs et très lourds. Tout se tasse sur nous, sans bouger. D'ailleurs, tout de suite après, il se met à tomber de la neige. À midi, tout est couvert, tout est effacé. Il n'y a plus de monde, plus de bruit, plus rien. Des fumées lourdes coulent le long des toits et emmantèlent les maisons. L'ombre des fenêtres, le papillonnement de la neige qui tombe, l'éclaircit et la rend d'un rose sans frais dans lequel on voit battre le métronome d'une main qui essuie le givre de la vitre, puis apparaît dans le carreau un visage émacié et cruel qui regarde. 1 heure, 2 heures, 3 heures, la neige continue à tomber. 4 heures, la nuit, on allume les âtres, il neige. 5 heures, 6, 7, on allume les lampes, il neige. Dehors, il n'y a plus ni terre, ni ciel, ni village, ni montagne. Il n'y a plus que les amas croulants de cette épaisse poussière glacée d'un monde qui a dû éclater. La pièce même où l'âtre s'éteint n'est plus habitable. Il n'y a plus d'habitable, c'est-à-dire il n'y a plus d'endroit où l'on puisse imaginer un monde aux couleurs du pan que le lit. Et encore, bien couvert et bien serré, à 2 ou à 3, 4, des fois 5. On n'imagine pas que ça puisse être encore si vaste, les corps. L'hiver, sous la plume de Giono, c'est donc l'absence de monde, l'absence de bruit, que le rien. Il n'y a plus d'habitable, dit-il. Au fond, l'hiver, c'est ce qui se trouve au plus proche de notre condition humaine, Sylvie Vigne, c'est ça qu'il veut dire? Tout à fait. Il me semble qu'il y a vraiment un symbole ici de ce qui pourrait être la condition humaine si on n'arrivait pas à y mettre du divertissement. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que Giono connaissait bien Pascal, qu'il avait lu Les Provinciales, même jeune, et ensuite lu Les Pensées plusieurs fois, dans plusieurs éditions. Il cite très souvent Pascal dans ses œuvres, mais il le prend en quelque sorte à rebours. Hein. Pour lui, la perspective est complètement différente. Pascal incite les libertins du XVIIe à laisser tomber les divertissements, qui sont un peu, le jeu de l'autruche pour ignorer la condition humaine et la condition mortelle en particulier, et se tourner vers Dieu, faire le pari de l'existence de Dieu. Et Giono va faire le pari inverse. Hein. Ce qui compte pour lui, qui n'est pas croyant, c'est de rester en communication avec ici-bas, comme il écrit dans Les Grands Chemins, et par les sensations, justement. Or, l'hiver va rendre cette quête de sensations, évidemment, beaucoup plus problématique. Et l'hiver va devenir donc le symbole de la difficulté à vivre. Vous avez entendu dans l'extrait donc magnifique donc du début d'Un roi sans divertissement. Lu par Bernard Gabay, oui. Voilà. Les éléments déjà prémonitoire sur le sang qui va devoir couler, hein, avec le rose qui s'infiltre déjà dans la description, et puis les visages qui est transfiguré par les vitres gelées et qui apparaît comme cruel. Oui, on voit un visage émacié et cruel qui regarde, voilà, derrière le carreau. Et je pense que cruel, il faut pas le prendre dans le sens de sadique. Enfin, tout ce que le roman indique, c'est que c'est vraiment plutôt du point de vue de l'étymologie, le cruor, donc le sang versé. Et il y a donc une quête existentielle et esthétique dans ce roman, donc de la part des personnages. Quelque part, elle représente aussi la quête de Giono lui-même quand il écrit. Et donc, il y a ce besoin de voir du sang couler, non pas pour faire du mal, mais pour remettre de la couleur dans la vie. Je vous rappelle donc dans Les Grands Chemins ce qu'il écrit, qui est vraiment une sorte de condensé de ce qu'on a dans Un roi sans divertissement. Les Grands Chemins, c'est en 51. Le silence et le blanc font un tel vide qu'on a envie de mettre du rouge et des cris dans tout ça avec n'importe quoi. Mmh. Donc n'importe quoi, en l'occurrence, les meurtres de Monsieur V. Monsieur V, donc initial pour Monsieur Voisin, puisque pour Giono, ce n'est pas un monstre, même s'il tue beaucoup, mais c'est n'importe quel être humain confronté donc au vide et essayant d'y échapper. C'est-à-dire qu'ici, le divertissement, c'est le sang. On tue, on l'a entendu dans l'extrait au début, hein. Ici, il le dit bien, dans cette région, on n'a pas besoin de tuer pour faire l'amour, au fond, on tue pour se divertir. Le sang, c'est beau, c'est du rouge sur le blanc, c'est aussi simple que ça. Voilà, il y a vraiment cet élément-là qui est repris donc d'ailleurs dans le film de façon plus appuyée, toujours avec les dialogues donc écrits par Giono. Vanel explique qu'il a habillé son petit groom en rouge pour remettre de la couleur dans le monde. Mm-hmm. Ça n'apparaît pas dans le roman, hein, mais il a de toute façon respecté bien sûr l'esprit de son roman, mais il a tout à fait compris ce que c'était que le cinéma, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une copie conforme du roman, mais une adaptation. Et c'est assez loin du roman du point de vue des personnages et même du déroulement des événements. C'est important de savoir que Giono était passionné par le cinéma et qu'il a vraiment montré qu'il avait des idées d'avant-garde, en fait, à ce sujet. Donc le groom n'existe pas dans le roman, mais c'est une autre façon de nous dire qu'effectivement il y a besoin de couleurs. Mm-hmm. Et le sang, alors là c'est vraiment un thème récurrent dans son œuvre, hein, le sang versé. Il prétend que tous les hommes finalement, donc toutes les femmes aussi, sont fascinés par la vision du sang qui coule. Et que si on met sur une colline un homme qui saigne, dans un de ses textes, tout le monde va venir voir le torrent de sang qui coule. Si en plus il y a le rapport de couleur, parce qu'il s'intéresse aussi beaucoup à la peinture, mm-hmm. donc les contrastes entre le noir et le rouge, le blanc et le rouge, pensez à son écriture où il cherche aussi des rapports de couleur avec un papier un peu jaune et une encre noire, une encre de Chine qu'il laissait oxyder pour qu'elle soit encore plus noire. Donc toujours cette quête du rapport de couleur et de la sensation esthétique. Donc c'est encore mieux. Et le divertissement royal, il le dit à plusieurs reprises, donc ça fait écho au titre, c'est déjà le fait de faire couler le sang en l'occurrence. Un des cochons était couvert de sang. On n'avait pas essayé de l'égorger, ce qu'on aurait pu comprendre. On l'avait entaillé de partout, de plus de 100 entailles qui avaient dû être faites avec un couteau tranchant comme un rasoir. La plupart de ces entailles n'étaient pas franches, mais en zigzag, serpentine, en courbe, en arc de cercle, sur toute la peau, très profonde. On les voyait faites avec plaisir. Ça alors, c'était incompréhensible. Tellement incompréhensible, tellement écœurant. Ravanel frottait la bête avec de la neige et sur la peau, un instant nettoyée, on voyait le suintement du sang réapparaître et dessiner comme les lettres d'un langage barbare, inconnu. Tellement menaçant, et si directement menaçant, que Berg, d'ordinaire si calme et si philosophe, dit « Sacré salaud, il faut que je l'attrape ». Et il alla chercher ses raquettes et son fusil. Mais, entre ce qu'il faut et ce qui arrive, Berg rentra à Bredouille à la tombée de la nuit. Il avait suivi les traces et d'ailleurs des traces de sang. L'homme était blessé. C'était du sang en gouttes, très frais, pur, sur la neige. Berg monta la garde et passa sa nuit à aller d'une maison à l'autre. On l'avait tellement réchauffé au vin chaud et au petit verre, au retour de sa poursuite, qu'il avait pris une cuite magnifique. Il faut excuser Berg, qui est célibataire, un peu sauvage et qui ne sait pas se retenir, ni pour boire, ni pour rien. Mais chez Ravanel, un peu excité, fatigué, ou bien l'alcool, il se mit à dire des choses bizarres, et par exemple que le sang sur la neige, très propre, rouge et blanc, c'était très beau. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et les taches de sang du cochon sur la neige, c'est dans Giono que vous pouvez les lire. Un roi sans divertissement dont nous parlons ce matin en compagnie de Sylvie Vigne. Donc un roi sans divertissement dans lequel l'hiver est un des personnages principaux, hein, dans le cadre de cette série autour des quatre saisons. Alors un mot quand même sur le style de Giono que vous avez entendu ici. Hein, donc de nouveau un texte lu par Bernard Gabay. Il est très difficile à décrire ce style, Sylvie Vigne, tant il mélange les registres, les narrateurs, les points de vue, et pas que dans Un roi sans divertissement, souvent l'œuvre de Giono qui est le plus lu en France, en tout cas c'est Un hussard sur le toit, c'est pareil, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas comment ça parle, mais le lecteur est d'emblée projeté dans l'histoire par les sensations. Tout à fait. Et c'est d'autant plus vrai donc dans ce qu'on appelle de façon un peu schématique le Giono deuxième manière. Donc à partir de 1938, il y a non pas un revirement, mais un tournant dans son écriture. Et c'est là qu'il va commencer donc à explorer ce qu'il appelle les chroniques romanesques. Donc avec le début d'un roman donc qui s'appelle Les deux cavaliers de l'orage, qu'il publiera beaucoup plus tard. Et le premier publié, c'est justement la première chronique romanesque, c'est Un roi sans divertissement. Et là, il va y avoir effectivement un grand changement d'une part dans les sujets, avec beaucoup plus de noirceur. Et il faut dire qu'il a vraiment souffert énormément de la façon dont il a été traité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Racontez-nous. Oui, en fait, Giono était une sorte de pacifiste attardé, si j'ose dire, parce qu'il avait vécu 14 vraiment en simple soldat, avec tous les points chauds. Il a été au chemin des dames, à Verdun, etc. Et il a conçu donc une haine pour la guerre qui fait qu'il n'a pas été suffisamment lucide au moment de l'approche de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a continué à donc prêcher le pacifisme. Ses œuvres étaient extrêmement lues en Allemagne. Et donc pour lui, il y avait aussi une sorte de fraternité avec le peuple allemand. Et il était tellement connu, en fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne en particulier, qu'il a eu la naïveté de penser qu'il pouvait rencontrer Hitler et le convaincre de désarmer. Donc c'est un peu désarmant, hein, mais effectivement, il avait cette naïveté-là qui lui a été beaucoup reprochée. Et donc il a été emprisonné au début de la Deuxième Guerre mondiale. On l'a accusé d'avoir collaboré avec l'ennemi. Au tout début, on l'a accusé d'être déserteur, ce qui était complètement faux, puisqu'en fait, il s'est présenté au recrutement. Mais comme il avait écrit des textes pacifistes, des tracts, etc., il a été emprisonné une première fois. Et à la fin de la guerre, une deuxième fois, là, avec accusation, effectivement, de collaboration. Donc là, il y a vraiment eu un scandale énorme, parce qu'il a été mis sur une liste, donc, noire, des écrivains à vraiment blacklister, justement, avec Monterland, Céline, etc. Alors que, donc, rien de tel ne s'est produit dans sa vie. Il a, au contraire, caché des juifs et d'autres fugitifs dans les petites fermes qu'il possédait autour de Manosque. Et par contre, il était trop naïf et il a donc usé parfois de ses rapports avec les Allemands pour donner des priorités, donner des possibilités à d'autres. Et il s'est un peu emmêlé lui-même. Vous disiez vous-même qu'il aimait se présenter comme un menteur. Donc après, voilà. C'est difficile de croire, de démêler le vrai du faux, non ? Voilà. Et puis, non, après, il était très maladroit de ce point de vue-là, puisqu'il a écrit donc une pièce qui s'appelle Voyage en calèche, qui est une pièce vraiment pour la résistance, même si c'est décalé donc en Italie et à une autre époque. Et la pièce a été interdite par les Allemands. Mais il n'en a jamais fait mention quand il s'est défendu. Hein. Et il aurait pu être exécuté à la libération. Hein. Quelqu'un a dit, mais on n'a pas encore fusillé Giono. Bon. Heureusement, il avait beaucoup d'amis parmi les résistants qui ont donc fait en sorte qu'il soit libéré. Mais il en a gardé une amertume terrible. Et son écriture a changé après. Complètement. Enfin, complètement, j'exagère, mais pas mal. Sa vision du monde, surtout, qui a changé. Ce qui me paraît vraiment révélateur, c'est que dans son journal, qui n'était pas fait pour être publié à la base, hein, le journal de l'occupation, il écrit « On me dit que je suis sur une liste noire, je me demande bien pourquoi, par exemple. » Donc, il était complètement à côté de la plaque, si j'ose dire. Il n'avait pas du tout l'idée qu'on pouvait lui reprocher ses amitiés et éventuellement donc quelques publications dans des journaux vraiment mal choisis, on va dire, comme la Gerbe. Hein. Donc il l'a bien nommé. Donc il a vraiment montré une très grande naïveté, une très grande imprudence, mais il a surtout ensuite dit qu'il ne serait jamais plus dupe. Que cette fois, c'était fini. Il avait l'impression d'avoir été trahi, en particulier par les gens du Contadour. Et donc, il a changé de vision du monde. Il est devenu beaucoup plus pessimiste. Et son style s'en ressent. Il va mettre beaucoup moins en avant la nature prolifique, etc. Beaucoup plus l'être humain dans sa noirceur, donc avec l'idée qu'on peut tous être Monsieur V, donc comme je le disais tout à l'heure. Et le style va aussi se diversifier. Donc ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que il avait donc été mis sur une liste noire et il ne pouvait pas publier. Et en fait, certains auraient arrêté d'écrire à ce moment-là, mm-hmm. alors que c'est le contraire. Lui, il a vraiment travaillé son écriture à ce moment-là pour rebondir d'une manière absolument spectaculaire. Quand ses romans ont enfin été publiés dans l'après-guerre, on a découvert, bon, ça peut quand même surprendre le lecteur qui connaît Roguin, de lire Un roi sans divertissement. Il y a un grand changement, et en particulier, comme vous le disiez, dans la narration, donc qui est extrêmement complexe, polyphonique, et dans le style qui est parfois extrêmement populaire, extrêmement oral. Le travail de l'oralité, c'est vraiment plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant en fait la Deuxième Guerre mondiale, mm-hmm. il a commencé à travailler de ce côté-là, que ça apparaît. Et il a ensuite donc tenu parallèlement ces deux projets magnifiques qui étaient les chroniques romanesques et le cycle du hussard, avec des éléments proches parfois, hein, puisque dans Le hussard sur le toit, par exemple, on a d'un côté la naïveté idéaliste d'Angelo, et de l'autre une voix de narrateur beaucoup plus mûre, un peu cynique, oui. qui fait penser à des narrateurs d'Un roi sans divertissement et des autres chroniques romanesques. Il ne s'ennuie plus. Il était là. Vous avez vu, vous retourner comme une truite. Enfin, une truite noire et qui aurait eu pistolet au poing. Drôle d'image. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il ne s'ennuie plus en parlant du loup. Ah, cela dénote une certaine culture, il comprend son cas. Vous voyez qui ça peut être? Nullement. Ah, après des années d'ennui, un illettré, s'il est doué pour la sensation, peut être plus philosophe que M. Platon. Il ne s'ennuie plus, c'est la phrase qui est lancée par Langlois alors qu'il vient juste de tuer le loup. C'est presque le but au fond, c'est pas qu'il ne tue plus, c'est pas que peut-être qu'il ne soit plus victime des hommes, c'est juste qu'il ne s'ennuie plus, comme si c'était là le but ultime de l'existence au fond, ne plus s'ennuyer, Sylvie Vigny. Oui. Donc pour ceux qui n'ont pas lu ce roman, donc effectivement après une première partie un peu polar, donc où Monsieur V donc est recherché, trouvé et tué d'ailleurs, on a un retour de Langlois, donc l'enquêteur, et à ce moment-là, donc ce qui va être organisé, c'est une chasse au loup. Donc un loup très particulier, un monsieur, nous dit-on, donc on n'est quand même pas très loin de Monsieur V, qui est donc phénoménal dans ses dimensions et dans sa cruauté. Et là aussi, ça se termine donc par un coup de feu, mmh. donc la mise à mort du loup qui met fin à l'ennui donc de l'animal, comme elle avait mis fin sans doute à l'ennui du personnage de Monsieur V au début. Et à la fin du récit, à la fin de la chronique romanesque, c'est Langlois lui-même qui va se suicider, sans doute pour échapper donc à ses démons, pour échapper à l'ennui et pour échapper aussi à la tentation du divertissement royal qui serait le meurtre. Hein. Donc rien n'est surligné chez Giono, tout est suggéré, mais c'est vraiment la piste principale qu'on a à ce moment-là. Et il me semble que pour lui, l'hiver, c'est quand même une saison particulièrement intéressante dans la mesure où c'est un défi, justement, essayer de vivre, essayer d'échapper à l'ennui, alors qu'il n'y a plus de pâture pour les sens. Dans Les Grands Chemins, à un moment, le narrateur se retrouve dans un endroit peu séduisant. Le bled où nous sommes est d'un moche complètement fini. C'est torché. Le vent est rien. Impossible de se raccrocher à quoi que ce soit. obligé de chercher en soi-même. Mm-hmm. Voilà qu'il y a une sorte de gageure qui met la barre vraiment très très haut. L'hiver nous renvoie à nous-mêmes, c'est ça? Voilà. Comme il n'y a plus de divertissement extérieur, on doit en trouver à l'intérieur. Voilà. Et on n'en trouve pas, c'est l'ennui. On n'en trouve pas, ou alors on en trouve effectivement par le meurtre, ce qui n'est quand même pas recommandable, ou par l'écriture. Et on sait que Giono, dès qu'il avait fini un roman, en commençait un autre. Il était incapable de rester sans écrire. Ça faisait vraiment partie de ses éléments de survie. J'aime beaucoup une formule de Jérôme Leroy qui dit que chez Giono, il y a une vision du monde où la sensualité combat sans cesse le désespoir. Donc Giono parle sans arrêt de bonheur. Hein. C'est un des auteurs qui utilise le plus souvent le mot bonheur. Il dit sans arrêt qu'il est doué pour le bonheur. Mais son bonheur est finalement le revers affiché d'un pessimisme qui était déjà très lisible en fait dans ses toutes premières œuvres. Je vous parlais tout à l'heure du tournant vers ce qu'on appelle la deuxième manière. Mais si on regarde de près ses premiers romans, il y a déjà beaucoup, beaucoup de suicides, parfois inexpliqués autrement que par le vide, justement, l'ennui qui est le principal ennemi de l'homme. Et donc, noirceur vraiment aggravée. Avec la Seconde Guerre mondiale, dont il espérait vraiment qu'elle n'aurait pas lieu, et qui va devenir encore plus forte à la libération pour les raisons que je disais tout à l'heure. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut se divertir de cette condition humaine? C'est la question que pose Giono, c'est la question que pose le philosophe Pascal, hein, dont vous l'avez dit, à qui Giono emprunte la citation, un roi sans divertissement, justement. Et pourtant, cette mort-là, cette mort qui nous guette, cette mort qui est engendrée dans le roman à plusieurs reprises, est peut-être ce qui donne son prix à la vie. C'est ainsi que Giono le présente aussi. Et c'est pour ça, sans doute, le disiez-vous à l'instant, que le bonheur est pour lui si important. C'est parce que nous sommes des êtres mortels qu'il est si important pour nous d'essayer de conjurer cet ennui. C'est ce qu'il dit le 5 mars 1942. Écoutez Giono. Si la mort n'existait pas, la vie n'existerait pas et rien ne serait possible. Imaginez par exemple que ce que nous sommes maintenant va durer éternellement. C'est terrifiant, c'est l'enfer. Tandis que nous sommes assurés qu'elle va finir, que le moment dans lequel nous sommes maintenant aura sa fin naturelle et que nous allons disparaître. Alors tout devient intéressant, nous avons un appétit considérable pour les choses, nous n'aurions aucune curiosité si nous n'avions pas la mort à côté de nous. D'abord, nous évitons l'ennui, ensuite, nous nous réapprovisionnons en une curiosité inlassable, du moment que la mort existe. Mais en tout cas, la mort, pour moi, est une chose tout à fait normale et régulière, et que j'accepterai avec le plus de grand calme. La dignité royale n'est-elle pas assez grande d'elle-même pour celui qui la possède, pour le rendre heureux par la seule vue de ce qu'il est? Faudra-t-il le divertir de cette pensée comme les gens du commun? Je vois bien que c'est rendre un homme heureux de le divertir de la vue de ses misères domestiques, pour remplir toute sa pensée du soin de bien danser. Mais en sera-t-il de même d'un roi? Et sera-t-il plus heureux en s'attachant à ses vains amusements qu'à la vue de sa grandeur? Ne serait-ce donc pas faire tort à sa joie d'occuper son âme à penser à ajuster ses pas à la cadence d'un air ou à placer adroitement une barre, au lieu de le laisser jouir en repos de la contemplation de la gloire majestueuse qui l'environne? Qu'on en fasse l'épreuve. Qu'on laisse un roi tout seul, sans aucune satisfaction des sens, sans aucun soin dans l'esprit, sans compagnie, penser à lui tout à loisir. Et l'on verra qu'un roi sans divertissement est un homme plein de misère. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Jean Giono et Blaise Pascal sur France Culture. Alors pourquoi, vous avez entendu, j'ai lu un extrait de de la pensée de Pascal dans l'alias divertissement, hein, où on trouve cette expression du roi sans divertissement, l'explication d'ailleurs de cette formule. Pourquoi est-elle reprise par Giono? Pourquoi un titre? Pourquoi un roi sans divertissement? Alors que les narrateurs ne cessent de le dire, il s'agit des messieurs tout le monde dont il est question dans ce texte, et pas du roi, Sylvie Vigne. Tout à fait. Donc le mot roi est à prendre effectivement de manière figurée. Et à mon avis, il y a vraiment plusieurs rois et plusieurs niveaux de royauté dans la chronique romanesque « Un roi sans divertissement ». Sinon, je voulais d'abord dire un petit mot par rapport au texte sur la nécessité de la mort. Hein, que Giono, l'archive de Giono, oui. Voilà, qui est tout à fait saisissant. Et ça me fait penser à un auteur contemporain, Tristan Garcia, qui a vraiment écrit des livres extraordinaires sur la question, et imaginant justement qu'on ait droit à une sorte d'immortalité. Et c'est à périr d'ennui, justement. On ne meurt pas, mais on survit dans des conditions absolument insupportables. Il a bien montré dans ses récits. Dans l'extrait de Pascal, je pense que ce qui a intéressé Giono aussi, c'est justement qu'il parle de l'absence de sensation. Le terme y est. Or, pour Giono, la sensation, c'est le meilleur appareil de connaissance. J'avais compté qu'il y avait une demi-douzaine de fois dans son œuvre l'expression appareil de connaissance. Non pas pour le cerveau, mais pour le poumon, pour le nez, la bouche, etc. Donc tous les appareils sensoriels. Et pour donc revenir au roi, Monsieur V, donc on nous dit qu'il a un divertissement royal, hein, le terme y est. Celui qui va découvrir l'identité de l'assassin est surnommé Frédéric II. Donc ça nous renvoie au roi de Prusse aussi, hein, alors que ça pourrait être Frédéric V, apparemment ils s'appellent tous Frédéric depuis des générations. Le procureur, qui est un autre personnage important, est un procureur royal. On ne sait jamais son nom, mais on insiste toujours sur le fait que c'est un procureur royal. Et avec lui, donc, deux personnages féminins qui partagent son embonpoint et qui sont des personnages donc grand format, comme dit Giono, parce qu'ils sont à la fois donc importants du point de vue corporel, mais aussi intelligents, fins, capables d'analyser donc ce qu'il appelle des amateurs d'âme, hein, donc Madame Tim. Les amateurs d'âme, c'est oui. Joli. Et Saucisse, bon, un nom qui fait très trivial, mais qui renvoie à une personne très fine malgré son ampleur. Et bien sûr, à mon avis, le roi suprême, le roi des rois, c'est l'écrivain. Qui au lieu de faire des hiéroglyphes sanglants dans la neige, peut couvrir la page blanche d'encre et qui va jouir donc à bonne distance de ses transgressions qu'il met en récit, mais donc sans avoir à les commettre. Mais pour Pascal, le roi est un homme comme les autres, justement. Il l'explique bien dans la condition des grands, c'est que finalement un roi se distingue des autres par ses apparats, par le pouvoir qu'on lui confère, mais à la naissance, il est comme tout le monde. Et Pascal tient beaucoup à montrer qu'il n'y a pas de supériorité naturelle d'un homme sur un autre. Au fond, Giono, c'est peut-être un peu pareil lorsqu'il parle du roi. C'est qu'il est donné à tout à chacun d'être un roi, si par roi on entend bien que ça n'est qu'une attribut ou qu'un rôle à jouer et pas une essence. Et puis aussi l'idée qu'on peut se faire roi en réussissant à échapper à l'ennui. Et que ceux-là, même si à la base ils sont comme les autres, ils ont finalement une qualité supérieure, hein, qui va leur permettre de survivre. Dans un de ses livres, il parle des cœurs vides qu'une journée de pluie arrive à désespérer. Donc, pour lui, il y a toujours ce défi, hein. Il faut trouver en soi-même la matière quand le monde ne l'offre plus. Donc, dans les romans et les chroniques de la maturité, le monde est beaucoup moins généreux, justement, en source de sensations. Mais il me semble que ça devient beaucoup plus intéressant, justement, en tout cas c'était ma thèse, parce que elles vont être recherchées. Donc j'avais appelé les personnages des trappeurs de sensations. Ils sont toujours à la quête de quelque chose qui leur permette de vivre. Et donc ça, c'est une quête à l'extérieur, mais aussi, évidemment, surtout à l'intérieur. C'est, comme disait Giono dans Les Grands Chemins, On est obligé de chercher en soi-même et on peut se faire roi si on a la chance de devenir écrivain, par exemple. Donc la sensation, c'est pas uniquement dans le rapport au monde, c'est aussi dans le rapport à soi. Parce que Genot le dit bien, il dit ce que je veux, c'est tout donner, dialogue et perception du paysage et lieu de l'action, sensuellement, je veux faire sentir, dit-il. Voilà, donc ça c'est une phrase qu'on connaît grâce à sa fille, hein, qui n'est pas dans un de ses textes, mais qui me paraît absolument fondamentale pour comprendre sa démarche. Il va stimuler l'imagination sensorielle de ses lecteurs, à tout point de vue, donc pour moi c'est un roi de la description, et s'il y en a moins dans les romans de maturité, dans les chroniques romanesques, elles ont peut-être encore beaucoup plus de prix, parce qu'elles sont rares mais extrêmement fortes. On en a entendu quelques extraits qui, à mon avis, sont vraiment, vraiment parlants. Et là, on a toute... il y met absolument toute sa force vitale. Mais ça veut dire que les sensations sont dans la description? Parce que vous disiez justement que c'est encore plus fort, le rapport à la sensation est d'autant plus fort que le monde lui-même n'offre plus ses sollicitations. C'est le rôle de l'hiver, hein, on le disait. Donc ça veut dire qu'il faut décrire les états intérieurs pour ressaisir ces sensations? Voilà, et je pense qu'il y a vraiment dans l'esprit de Giono un rapport entre l'hiver et la dépression. La dépression étant donc un état où on n'arrive plus à profiter du monde, où on est comme séparé du monde. Dans les années 30, il dit qu'il a vécu ce qu'il appelle une crise morale. Mm-hmm. Moi, je traduis par dépression, parce que quand il décrit cet état, c'est vraiment tout à fait proche des symptômes de la dépression. Et pour lui, c'est pire que tout, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment à l'intérieur que le vide se fait, le blanc se fait, et qu'il n'y a plus de possibilité de se raccrocher à quelque chose. Donc la dépression serait l'hiver intérieur. Voilà. Le texte donc hiver que j'ai lu tout à l'heure, dont j'ai lu un tout petit extrait tout à l'heure, est écrit en 34, de même que le très très beau texte qui s'appelle Vie de Mademoiselle Amandine. Et il me semble que le parallèle est tout à fait frappant entre la description de la dépression et la description de l'hiver. Il y a des moments où il faut se précipiter à la poursuite de l'espérance. L'air dans lequel on vivait, on le sent soudain qui se solidifie autour de vous comme du ciment. Ce qui vivait autour de vous n'est plus qu'une peinture sur la pierre qui vous emmaillote. Un jour, on perd une fleur de sauge, l'autre jour, on perd un arbre, puis un lambeau de forêt, puis un fleuve tout entier avec ses roseaux et ses poissons. Ce qui était là devant vous, dressé en profondeur avec ses volumes et toutes les délicieuses avenues qui y sont entrecroisées de tous les côtés, on se précipite, saisi d'angoisse et, en effet, on le touche. Peint, plat, plâtreux, mort. Je menais moi-même à cette époque un combat avec le monde réel. Il me fallait le rejoindre à tout prix. La bataille qu'on mène d'ordinaire avec lui me paraissait suave et enfantine, à côté de celle qui, à ce moment-là, me faisait à chaque instant engager désespérément toutes mes forces. J'avais beau multiplier la diversité de toutes mes possibilités d'étreintes, tout m'échappait, tout glissait hors de mes sens. J'habitais les convulsions et les effondrements d'un naufrage qui n'en finissait plus de lenteur. Ce texte, on le trouve donc dans Vie de Mademoiselle Amandine, hein, en 1934. Giono y parle de sa crise morale, donc de sa dépression, disiez-vous, dans les années 30, qui a duré trois longues années. Et la manière qu'il a de la décrire est en effet de montrer que aucune sensation ne le lie plus ni au monde, ni à lui-même. Et c'est exactement en ces termes que l'hiver est décrit dans Un roi sans divertissement. Donc le parallèle tient vraiment. Tout à fait. Il y a le syndrome donc de l'enfermement, du ligotage même, de la momification. Hein. On devient une sorte de mort-vivant. Et c'est repris dans d'autres textes, en particulier un texte qui est peut-être mon préféré de tous, mais il y en a tellement de beaux chez Giono, qui est Mort d'un personnage, où on voit le personnage de Pauline, donc les lecteurs connaissent peut-être plutôt jeune dans Le Hussard sur le toit, mais là c'est Pauline très âgée et qui a perdu Angelo et qui est enfermée dans un deuil qui est une sorte de mélancolie morbide. Et elle est comparée à un personnage qui s'appelle Kai, qui est aveugle, physiquement. Mmh. Et on comprend donc par les très belles expressions de Giono que Kai continue à profiter du monde parce qu'elle a développé d'autres sens. Elle a surmonté ce qu'il appelle les apocalypses, la perte de certains sens. Mais Pauline, non. Pauline est coupée par la dépression, par la mélancolie du monde et elle erre comme si elle était dans l'espace sidéral, nous dit-il, loin de tout ce qui fait le sel de la terre. Mais ça veut dire que cette dépression-là n'est pas, enfin, je veux dire, elle est à la fois passagère et en même temps, elle est aussi constitutive de notre rapport au monde, si je vous suis bien, chez oui. Giono. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi une telle importance au bonheur dans tout ce que nous venons de dire ce matin, dans le texte et dans tout ce que vous avez dit aussi, on se dit, bon, bah, c'est plutôt pascalien, c'est plutôt, ça peut être d'ailleurs assez joyeux comme constat, comme lucidité que nous sommes des êtres d'ennui et que finalement, c'est la mort qui nous sauve du désespoir. Mais bonheur, quelle est la place pour le bonheur là-dedans? Le bonheur, c'est l'objet de la quête, puisque encore une fois, Giono est un écrivain athée, mais qui a vraiment le sens du sacré, à mon avis. Hein. Mais ce qu'il sacralise, justement, c'est la vie avec ses sensations, et rester donc en communication avec ici-bas, c'est le bonheur. Pour lui, donc, c'est quelque chose d'absolument central. Il n'y a pas d'autre but dans la vie. Et la sensation permet la plupart du temps de l'atteindre. Et c'est toujours, je reviens toujours à la citation de Jérôme Leroy, hein, ce combat sans cesse entre donc la sensualité au sens large, hein, la sensorialité, je veux dire, et le désespoir qui guette hein, avec cette peur du vide qui est énorme chez lui. Mais concrètement, comment s'exprime le bonheur chez Giono? C'est quels instants, c'est quels moments, c'est quelles sensations? Eh ben, c'est les moments de communication extrême avec ici-bas, donc les moments de partage et de communion avec le monde sensible. Mais dans Un roi sans divertissement, par exemple, est-ce qu'il y a un moment de bonheur? Dans Un roi sans divertissement, il y en a, mais qui sont pas partagés par tous les personnages. Donc il y a la fête à Saint-Baudi, par exemple, oui. Avec une magnifique description justement de tout ce que le monde sensible peut offrir. La beauté avait la même qualité de bonbon anglais, acidulé, fraîche, multicolore, torsadé de citron, de vinaigre et d'azur, un peppermint à vous donner des reins de serre. Ah, merci d'avoir choisi cette citation, je l'adore. elle est magnifique et en effet, là, on sent dans chaque mot choisi qu'il y a une excitation à écrire et peut-être sans doute effectivement le goût du bonheur dont vous parlez. Voilà, une vraie jouissance. Merci beaucoup Sylvie Vigne d'être venue nous parler de Giono ce matin. Et de ce texte, Un roi sans divertissement, on continue effectivement dans la quête du bonheur, peut-être au cœur de la dépression, qui sait. En tout cas, l'hiver, c'est aussi l'hiver au lit. Et si vous êtes avec Jacques Higelin, vous passez l'hiver au lit à Liverpool. Oh. Passer l'été caniculaire dans l'enfer idyllique des bords de mer, refoulé par la foule au fond des criques. Si j'ai pas le choix, d'accord, mais si on l'a, je préfère encore passer l'été au Labrador à faire des loufoqueries, des folies de mon corps, au soleil de minuit imbibé d'aquavite, tout nu sur la banquise entre deux inuits exquises, la chair enduite de graisse de phoque. Classe. La la, au volant de ma deux chevaux. Passer l'hiver en Mongolie, à traquer le yéti, piétiné par les yaks, sans anorak, les doigts gelés, le nez qui coule, les dents qui claquent. Y en a que ça fait bander, mais moi personnellement je craque pour passer un hiver hyper cool, sans cagoule et sans poule, over. Loin des stations de ski, moi et ma petite poule, on préfère passer l'hiver au lit, blotti comme de pivert, l'hiver au lit à l'hiver, poule. Mais oui, moi je veux bien passer l'hiver au lit à Liverpool avec Jacques Higelin. Et pourquoi pas, en lisant du Jean Giono, lisez-le en tout cas, Un roi sans divertissement, on le trouve en folio. Sur France Culture, Les chemins de la philosophie, c'est l'heure du pourquoi, du comment. La nouvelle chronique est présentée par Frédéric Worms, qui aujourd'hui répond à cette question. Les pré-socratiques sont-ils à l'origine de la philosophie? Les pré-socratiques sont-ils à l'origine de la philosophie? Il y a une étrange notion dans l'histoire de la philosophie qui est censée désigner le commencement de la philosophie, mais qui montre bien, par sa formulation même, en quoi ce commencement est finalement introuvable et beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air. C'est l'étrange manière dont on regroupe certains penseurs grecs sous l'étrange notion, l'étrange nom commun ou propre, des pré-socratiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire, bien sûr, qu'on cherche le début de la philosophie dans une personne bien particulière, qui est Socrate, le Socrate de Platon, le Socrate de l'Apologie de Socrate, celui qui meurt au nom de la philosophie et qui, pour la première fois, en effet, définit la philosophie, ce désir de savoir indépendant des vérités révélées et qui dépend seulement du questionnement humain et même du dialogue entre les humains à la recherche de la vérité. Il est vrai que Socrate est un commencement par cette nomination, par cette invention, par ses conséquences aussi éthiques et politiques pour toute notre histoire et pour toute notre vie. Mais avant Socrate, il y avait déjà des philosophes. Et ces philosophes, on ne sait plus comment les nommer, et à tel point qu'on les nomme les pré-socratiques. Mais en quoi Empédocle, en quoi Héraclite, en quoi Parménide étaient-ils pré-socratiques, eux qui n'avaient jamais connu Socrate et qui ont donné aussi les coordonnées de toute la pensée humaine, par exemple l'opposition de la pensée de l'être, ce qui est de Parménide, ou du changement, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, chez Héraclite, ou bien encore, peut-être plus profondément encore, chez Empédocle, la priorité dans l'univers de l'amour et de la haine de façon cosmique et aussi entre les humains. Ce sont des grands penseurs à part entière. Pourquoi les rassembler sous le nom de pré-socratiques? Il y a donc là quelque chose comme une vérité et une illusion, le fait que chaque philosophe crée une histoire, finalement, un avant et un après lui. Mais il y a alors des pré-héraclitéens et aussi, évidemment, d'autres mondes. Et évidemment, dans l'illusion que comporte la notion de pré-socratique, il y a aussi l'illusion d'ancrer le début de la philosophie dans un lieu, dans une langue, dans une culture, dans une civilisation. L'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, celle de Socrate et de Platon, c'est déjà difficile de marquer un commencement. On a des gens qui arrivent avant. Mais ailleurs, au même moment et encore avant, n'y avait-il pas eu de la philosophie dans le monde des religions, dans le monde de la culture hindoue, dans le monde de la culture biblique, dans les mondes qui n'ont aucune religion écrite, mais qui se transmettent des questionnements sur l'expérience humaine, sa signification, la justice dans les relations entre les hommes, et toutes les questions qui surgissent finalement de notre expérience à travers des exclamations sur des principes, allant jusqu'aux principes, et qui définissent ce que nous appelons la philosophie. En réalité, l'interrogation sur le commencement de la philosophie n'est jamais neutre. Et ce qu'il y a de plus important, peut-être la seule chose qu'on peut garder, finalement, de cette étrange notion des pré-socratiques, le terme le plus important, peut-être le détail le plus important dans cette nomination, c'est le pluriel. Un philosophe français du XXe siècle, Jean Val, avait très bien expliqué comment finalement les pré-socratiques, dans leur diversité, dessinaient déjà, mais justement dans leur diversité, la pluralité des positions possibles sur le monde, l'être ou le mouvement, l'amour et la haine, ou bien encore l'eau et le feu qui sont aussi à l'origine de la physique. Et Thalès, par exemple, un célèbre géomètre dont on apprend le théorème, était aussi célèbre pour avoir dit que l'eau ou le feu, d'ailleurs j'ai un doute, est l'un élément en tout cas composait l'ensemble de l'univers, et c'est quand même à l'origine aussi de la physique. Mais ce qui importe, c'est leur désaccord, c'est leur pluralité. Et peut-être que dans chaque culture, il y a cette diversité interne qui définit la philosophie. Deleuze disait, la philosophie, ce sont les philosophes, des rivaux, des concurrents, mais aussi des discutants, des partenaires. Il faut se situer sur la carte que les pré-socratiques ont dessinée. Ça n'est pas le lieu d'une origine, mais c'est plutôt la diversité d'un espace. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique Le pourquoi du comment est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Carla Michel en compagnie de Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. À la lecture des textes, Bernard Gabay. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour des 4 saisons. Si vous faites le compte demain, c'est la dernière saison, mais pas n'importe laquelle, le printemps, chez Jean Kelevitch. Vous savez peut-être que Jean Kelevitch avait pour habitude de dire à ses étudiants à la Sorbonne « Ne manquez pas votre unique matinée de printemps ». Que voulait-il dire par là et pourquoi le printemps est-il emblématique de sa pensée? Ce sera le philosophe Pierre-Alban Guinfolo qui viendra vous raconter pourquoi demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en la téléchargeant.